va envoyer, ça va envoyer, ouais, ouais, ça continue, ça s'arrête jamais. On dira ça en direct de Skyrock. Bang, bang. Friendly. Hey. Score, score. Les frères Wellesan. Ouais, ouais, ouais. En direct. Hey. Belle fin, le 8 septembre. Bang. J'arrose la pompe pour récolter le fruit. Bang. J'arrose la pompe pour récolter le fruit. Pardon, c'est comment? Ouais. J'arrose la pompe pour récolter le fruit. Des délits de fuite pour beaucoup de fruits. J'arrose la pompe pour récolter le fruit. Gros chienne que tu es, gros voleur que je suis. Je veux pas que l'oseille qui fait l'homme. Je veux que l'oseille qui me suit. Si tu m'aimes, tu me suis. On prend tout et on fuit. Sur la peau du congénon et c'est ma pute qui mélange ça. Si c'est pas pour du pif, tu nous déranges pas. Tu contrôles le carré vide, nous on contrôle le cadavre vide. Sur le terrain, y'a pas d'arbitre. On est armé comme Kadhafi. Hey, amulet, sur le coup, je suis avec le marabout du village. On monte sur un plan, on s'y retourne dans la tête qu'il a. On piquera pas de la farine, je veux pas du salaire de ton boulanger. On piquera pas de la farine, je veux pas de. Fais la pure, pas de quoi tu fais la pute. Fais la pure, les stupes savent que c'est de la pure. Tu m'as laissé tomber l'histoire qui fera la chute. Tu m'as laissé tomber l'histoire qui fera la chute. Tiens juste de te et tu penses qu'on est en train de dormir. On prend 10 000, on investit, on récupère 20 000. Un deux sous une décade, on sera jamais à 10 sous un grec. Je sens ma séchique, j'ai pas envie de toucher aux Aztecs. C'est nous qui mangeons, et vous vous prenez les restes. C'est nous qui gagnons, c'est nous qui faisons les règles. C'est pas un meurtre, c'est un assassinat. C'est pas un meurtre, c'est un assassinat. Délit de fuite pour beaucoup de fruits. J'arrose un pot pour récolter le fruit. Délit de fuite pour beaucoup de fruits. J'arrose un pot pour récolter le fruit. Délit de fuite pour beaucoup de fruits. J'arrose un pot pour récolter le fruit. Le fruit. J'arrose un pot pour récolter le fruit. Le fruit. J'arrose un pot pour récolter le fruit. Le fruit. J'arrose un pot pour récolter le fruit. J'arrose un pot pour récolter le fruit. J'arrose la plante pour récolter le fruit. Aïe aïe aïe aïe aïe, c'est bouillant, c'est bouillant, c'est bouillant. Le 8 septembre, ouais. Bang bang bang bang. Dakimé en neuf, pêcheur, belle car, tout le monde. Bang. Ska, ska. Wesh Alphonse. Sale, sale, sale, sale, sale, sale, sale. Salut, pour rien louper de ce qui se passe dans les studios de Skyrock, va t'abonner à la chaîne. A tout de suite. Planète rap. Planète rap.